Nous avons vu que Descartes défendait une conception mécaniste de la nature. Sa deuxième grande idée est ce qu'on appelle le dualisme métaphysique. Autrement dit, c'est l'idée de Descartes selon laquelle matière et esprit constituent deux substances, autrement dit deux réalités distinctes qui pourraient exister séparément l'une de l'autre. L'esprit est donc bien quelque chose pour Descartes qui existe indépendamment de la matière, d'une certaine façon. Alors comment arrive-t-il à cette idée? Comment cherche-t-il à la démontrer? Eh bien, c'est en particulier dans un ouvrage qui s'appelle Les Méditations métaphysiques. Dans cet ouvrage, Descartes met en place une expérience de pensée, c'est-à-dire un exercice de réflexion par lequel l'esprit se met à lui-même à l'épreuve, élabore un raisonnement. L'objectif de cette expérience de pensée, de ce raisonnement, est de parvenir à une vérité fondamentale. Descartes recherche une idée qui serait absolument certaine et qui pourrait servir de base à la construction du savoir humain. Descartes recherche une certitude métaphysique. Qu'entend-il par là? Il veut dire une idée qui serait absolument certaine, dont il serait absolument impossible de douter en aucune manière. C'est l'objectif de sa démarche intellectuelle. Et l'expérience qu'il va mettre en œuvre pour découvrir cette certitude absolue, elle va consister à recourir à un doute méthodique. Le doute méthodique va consister à examiner de façon successive les différentes idées que Descartes possède dans son esprit, et à voir si il est possible de douter ou non de ses idées. Le doute va permettre d'éliminer les idées incertaines jusqu'à parvenir à une idée dont on ne pourra plus douter, hein, jusqu'à parvenir à cette certitude absolue. Donc, dans les méditations métaphysiques, il examine ces différents types d'idées. Premier grand type d'idées dont Descartes examine le caractère douteux ou non, ce sont les idées que nous tirons de l'expérience sensible. L'expérience sensible désigne l'ensemble des perceptions que nous faisons des choses, c'est-à-dire les informations que nous tirons grâce à nos organes sensibles, comme la vue, l'ouïe, le toucher. Ces sens nous donnent un certain nombre de connaissances, en tout cas ils nous permettent d'appréhender l'environnement autour de nous. Là, par exemple, grâce à la vision, la table qui est devant moi m'apparaît comme marron. Grâce au toucher, je vois bien qu'elle est dure. L'éponge sur le plan de la cuisine m'apparaît comme jaune, elle m'apparaît comme molle. Donc tout ceci me donne un certain nombre d'informations sur les objets de mon environnement. L'expérience sensible est pour moi une source de connaissances qui me paraissent à peu près évidentes. Mais pourtant, Descartes montre que ces idées que nous avons grâce à nos sens, grâce à l'expérience sensible, eh bien, elles ne sont pas absolument certaines. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que c'est déjà arrivé que nos sens nous trompent. Hein, ça peut arriver que nous soyons confrontés à des illusions d'optique ou des illusions sonores. Voilà, j'ai l'impression d'entendre un son alors qu'en fait, il n'y a pas de son. C'est ce qui arrive quand on a des acouphènes. Une illusion d'optique, j'ai l'impression de voir une image en mouvement alors qu'en fait cette image est fixe. Voilà, c'est une illusion d'optique. Donc il arrive donc que mes sens me donnent des informations fausses, okay, que je les analyse mal. Et Descartes en tire la conclusion que puisque nos sens ont pu nous tromper, cela veut dire que la totalité des informations qu'ils nous donnent ne sont pas absolument certaines. Ça ne veut pas dire qu'ils nous trompent dans les faits. Hein, nous pouvons penser que la plupart du temps, nos sens nous donnent des informations correctes. Mais comme il leur arrive de nous tromper, eh bien il faut considérer que les idées que nous tirons des sens ne sont pas absolument certaines, ça ne peut pas être une base suffisante à la connaissance. Voilà, donc ça lui permet de remettre en doute les idées tirées des sens. À partir de là, il en tire un deuxième doute, plus large encore, il nous dit, bah, puisque notre connaissance des choses autour de nous vient de nos sens. Bien, en fait, c'est notre croyance en l'existence d'un monde extérieur, d'un monde physique que nous tirons de nos sens. Hein. Si je sais que la Terre existe, si je sais que le ciel, les autres êtres existent, c'est bien parce que je les ai vus, c'est parce que je les ai sentis, je les ai touchés. Mais donc, si mes sens me trompent, qu'est-ce qui me prouve que tout ceci existe réellement? Descartes fait cette hypothèse qui est, qui peut avoir l'air d'être une espèce d'exercice de paranoïa. Il dit peut-être que je suis en fait dans une espèce de rêve. Rien ne me prouve de façon absolument certaine que je ne suis pas dans une vaste hallucination, un vaste rêve, et donc peut-être que tout ceci est faux. Et donc il nous dit, voilà, même l'existence des choses extérieures est peut-être aussi une illusion, donc ce n'est pas non plus une idée absolument certaine, je peux en douter. Là, vous voyez, son doute va quand même très loin. Il va même encore plus loin, puisqu'il nous dit, peut-être que nous pourrions aussi douter même de certaines vérités, de vérités que nous considérons comme tout à fait certaines, pensons aux vérités mathématiques. Les vérités mathématiques, elles, sont indépendantes de l'expérience, ce sont le produit du raisonnement. Mais il nous dit, mais imaginons qu'un mauvais génie, hein, on pourrait penser, c'est l'hypothèse que fait Descartes, une hypothèse supplémentaire, imaginons qu'un mauvais génie viennent nous troubler en permanence pour nous forcer à nous tromper d'une certaine façon, sans même que nous nous en rendions compte. Et donc, peut-être qu'en fait, ce que nous pensons être des mathématiques ne sont que des vérités mathématiques, peut-être que ce ne sont finalement que des erreurs que nous sommes incapables d'identifier à cause de ce mauvais génie qui nous trouble. Bon, évidemment, vous voyez que la Descartes pousse le doute extrêmement loin, hein. Il nous dit, voilà, finalement, nous ne pouvons être certains de pratiquement rien. Tout est remis en cause d'une certaine façon. Tout, enfin, pas exactement tout, puisqu'il nous dit qu'il y a quand même une chose dont on ne peut pas douter, c'est puisque nous sommes en train de douter, même si tout ce que nous croyons est faux, même si tout ce que nous avons l'impression de percevoir est en fait une illusion, peut-être même que les mains que je vois et que j'ai l'impression qu'elles sont miennes, peut-être qu'elles sont aussi une illusion, ça je ne peux pas le savoir, mais puisque je suis en train de faire cet exercice de doute, même si tout ce que je crois est faux, eh bien, je crois bien quelque chose, je suis bien en train de douter, je suis bien en train d'imaginer quelque chose. Et donc il nous dit là, ça veut bien dire que nous existons d'une certaine façon, nous existons au moins en tant qu'esprit qui doute, qui rêve, qui imagine. Et donc c'est à ce moment-là que Descartes arrive à cette affirmation, cette idée que il y a au moins une chose dont on ne peut pas douter, c'est de notre existence en tant qu'esprit, esprit pensant, en tant que chose qui pense. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il affirme ce propos très célèbre, je pense donc je suis. Le fait de penser, que ce soit sous la forme du doute, du rêve, de l'imagination, tout ça ce sont des actes de l'esprit, à partir du moment où je suis en train de penser, c'est bien la preuve que j'existe, peut-être pas en tant que corps, mais au moins en tant qu'esprit. Et donc ce raisonnement lui permet aussi de faire cette dissociation entre le corps et l'esprit. Parce qu'il nous dit, d'un côté, je peux être absolument certain que mon esprit existe, en revanche, je peux douter de mon corps. Hein, je ne peux pas douter de mon esprit, mais je peux douter de mon corps. Donc il nous dit, à partir de là, je peux concevoir que mon corps et mon esprit sont deux choses séparées. Hein, je pourrais même concevoir que mon esprit existe indépendamment de mon corps. Donc il nous dit, voilà, le corps et l'esprit sont deux réalités distinctes qui, chez l'être humain, coopèrent, fonctionnent, interagissent. Voilà. D'un côté, le corps envoie des informations à l'esprit, de l'autre côté, l'esprit commande le corps. Donc il y a bien une interaction entre les deux, mais à la limite, on pourrait les concevoir comme deux réalités distinctes, deux aspects de la réalité bien séparés. Et en fait, il faut voir aussi que derrière cela, il y a l'objectif pour Descartes de prouver l'existence d'une âme, dès que l'idée d'âme, c'est l'idée que l'esprit puisse exister séparément du corps, puisse continuer à exister même après la mort. Donc ça, c'est un petit peu l'arrière-plan, disons, religieux, théologique au raisonnement de Descartes, c'est celui de la croyance en l'existence de l'âme, et l'objectif de prouver l'existence de l'âme, non pas simplement par une croyance, une pure affirmation, mais par un raisonnement, par une démonstration. Et donc, ce raisonnement conduit Descartes à dire, vous voyez, on peut concevoir le corps et l'esprit comme deux réalités distinctes. Bon, après, tout le problème pour Descartes, et c'est ce qui fait que son raisonnement sera critiqué par d'autres auteurs, c'est qu'il n'explique pas vraiment comment ce corps et cet esprit interagissent. Puisqu'il nous dit d'un côté, voilà, le corps envoie des informations à l'esprit, l'esprit commande le corps, oui, mais très bien, mais alors comment est-ce que ça se passe? Puisque d'un côté, le corps, c'est un objet matériel, donc comme nous l'a expliqué dans sa description mécaniste de la nature, eh bien, ce corps, il est déterminé par des mouvements mécaniques, mais de l'autre côté, l'esprit, lui, est complètement immatériel. Lui, l'esprit est indépendant de la matière. Alors comment est-ce que quelque chose d'immatériel agit sur quelque chose de matériel? Bon, ça, Descartes n'est pas parvenu à l'expliquer. Mais au moins, voilà, ce à quoi on est parvenu, c'est déjà cette idée que corps et esprit sont deux réalités distinctes. Et ça va avoir un impact très important ensuite sur la représentation de l'animal. En effet, Descartes nous dit que cette coopération entre un corps et un esprit, c'est ce qu'on trouve chez l'être humain. L'être humain a un corps, mais il est avant tout un esprit, et c'est cet esprit qui est indépendant de la matière qui fait que l'être humain est libre. C'est l'esprit qui peut agir indépendamment des forces matérielles, qui peut déterminer son propre mouvement, alors que le corps, lui, il est soumis aux forces mécaniques de la matière. Descartes nous dit, voilà, l'être humain, lui, a un esprit, et grâce à cet esprit, il est un être conscient et libre. Mais, et c'est là qu'intervient la différence avec les animaux, mais il n'en va pas de même des animaux. Descartes soutient qu'il y a une coupure radicale entre les êtres humains d'un côté, les animaux de l'autre, contrairement aux êtres humains, qui eux sont un esprit qui interagit avec un corps, les animaux, eux, ne sont que des corps. Ce sont simplement des assemblages de parties matérielles animées de façon mécanique. Les animaux font partie des corps matériels. Les organismes vivants ne sont pas différents des autres corps. Ils font partie de la matière naturelle qui obéit à des lois mécaniques. Donc les animaux, en tant qu'organismes vivants, sont des corps matériels animés par des lois mécaniques, et dépourvus d'un esprit qui leur permettrait d'agir librement.